Chapitre 43e, le coup de pistolet. Nous avons laissé Armand de Kergaz montant Tilbury avec Guignon, et guidé par lui, court en rue de la Lune, dans l'espoir d'y retrouver Léon Roland. Mais on s'en souvient, l'ouvrier était parti. Le comte et son compagnon se regardèrent. « Que faire ?» demanda le premier. « Monsieur le comte, » répondit Guignon, « j'ai le pressentiment que mon pauvre ami court un grand danger avec cet homme. Peut-être un danger de mort. Ce collard a une figure de bandit. « Eh bien, » dit Armand, « il faut les retrouver. » « Ne t'a-t-il pas dit que ce collard allait l'emmener à Bougival ?»« Oui, monsieur le comte. Allons à Bougival. » Et Armand, qui conduisait, fouetta son cheval, un cheval de race, qui marchait avec la rapidité de la foudre. À cette époque, le chemin de fer de Saint-Germain n'existait pas encore. Il n'y avait donc, pour aller à Bougival, qu'une seule route, la route royale passant par Rueil et Port-Marly, et un seul moyen de locomotion, les voitures. Il était donc évident que si Léon Roland était réellement entraîné vers Bougival par cet homme dont se défiait tant Guignon, il s'y rendrait par la route, à pied ou en voiture. Le Tilbury du comte fila comme une flèche jusqu'à la Madeleine, mais là, Armand ralentit l'allure de son cheval, faisant cette réflexion judicieuse que celui qu'il voulait rejoindre pouvait être dans l'une des nombreuses voitures de place qui montaient la grande avenue des Champs-Élysées, et qu'alors il pourrait bien le dépasser. Tandis qu'en lui donnant le temps de dépasser Neuilly et de franchir la Seine, la route devenant à peu près déserte à partir de Courbevoie, et la présence d'un fiacre devant être assez insolite, il serait assuré de le rejoindre en rendant la main à son cheval. Or, en exécutant cette manœuvre, le comte se disait en même temps. Ou Guignon se trompe et l'homme qui emmène Léon n'a aucun mauvais dessein. Et alors il a dit vrai, il a vu Cerise, et si nous retrouvons Cerise, nous retrouverons Jeanne peut-être. Ou les pressentiments du Guignon sont fondés, et alors cet homme qui en veut à Léon ne peut être qu'un agent de Sir Williams, ou plutôt de l'infâme Andrea. Et dans ce cas, pensait Armand, je le forcerai bien à parler et à me dire où est Jeanne. Monsieur de Kergaz atteignit la barrière de l'étoile en réfléchissant ainsi, puis il rendit un peu la main à son cheval, qui allongea le trot, et 10 minutes après, il atteignait le pont de Neuilly. Comme il le traversait, Guignon lui montra une voiture qui gravissait la montée de Courbevoie au grand trot. « Si c'est un fiacre, dit-il, il va bien vite. » Armand retint de nouveau son cheval et il ramena sur son visage le collet de son paletot et les bouts de son cache-nez de façon à ne pouvoir être reconnu. En même temps, Guignon enfonçait sa casquette sur ses yeux et passait par-dessus sa blouse la longue redingote du groom d'Armand posée en travers sur le siège de derrière. Cela fait, le comte pressa son cheval, atteignit le fiacre et le dépassa. Il était à peu près nuit alors, mais Armand eut le temps d'envelopper d'un coup d'œil ce singulier fiacre jaune que traînaient 2 vigoureux chevaux et de jeter un regard furtif à travers les glaces des portières. La lumière des lanternes se projetait au-dedans et Guignon dit vivement au comte « Les voilà, c'est bien eux !» Armand reconnut Léon et puis tout à coup, il tressaillit. « L'homme de la barrière » murmura-t-il en envisageant Collard et en reconnaissant lui le personnage qu'il avait surpris, donnant ses instructions à Niccolo et au serrurier, le jour où ceux-ci insultèrent Léon Roland à Belleville. Puis, un lointain souvenir lui vint. « J'ai vu cet homme-là ailleurs encore, » se dit-il. Et il fouetta son cheval, qui fila rapide comme la foudre. Atteignit Nanterre 10 minutes avant le fiacre jaune, et rangea son Tilbury dans une ruelle sombre, aux environs de la route, de façon à n'éveiller aucun soupçon dans l'esprit de Collard, lequel, du reste, n'avait pu le reconnaître, car on n'apercevait qu'imparfaitement son visage. En outre, les fanaux du Tilbury, suspendus au paracrotte, n'éclairaient point en arrière et laissaient dans l'ombre la caisse du véhicule. Et puis Armand avait passé comme le vent. Tandis qu'il attendait que le fiacre jaune le dépassât à son tour et perdît ses traces, le comte disait à Guignon « Cet homme, avec qui est Léon Roland, est un misérable traître. Et bien certainement, il l'entraîne dans un piège. » Mais pour le secourir, il faut attendre le moment convenable. Il faut arriver à l'heure du péril, pas avant. » Et M. de Kergaz se frappa de nouveau le front et dit tout à coup « Ah, je me souviens. Cet homme est venu chez moi un soir. Il y a 2 mois, il venait me chercher. Il m'a conduit chez le baron Kermor de Kermarouet. » Un monde d'idées confuses se pressait dans la tête d'Armand. « j'y suis, » pensa-t-il. « Cet homme vivait chez le baron. Cet homme a eu son secret. Cet homme est le complice de Sir Williams. » Et alors, M. de Kergaz ne songea plus seulement à sauver Léon. Il songea à s'emparer de Collard et lui faire avouer le pistolet ou le poignard sous la gorge où Sir Williams avait conduit Jeanne. Le fiacre passa au grand trot et traversa Nanterre. « Il faut les suivre, » dit Armand, qui fit éteindre les fanaux de son tilbury. « Les suivre à distance, il ne pourrait les perdre de vue un seul instant. » Le fiacre jaune roulait toujours. Il gagna Rueil, qu'il traversa dans toute sa longueur, longea le parc de la Malmaison et ne s'arrêta que sur la chaussée de Bougival, un peu au-delà de la rue qui monte à l'église. M. de Kergaz, une seconde fois, quitta la route par une rue adjacente, tandis que Guignon sautait lestement à terre et, avec l'agilité d'un chat, se prenait à courir après le fiacre et arrivait à 10 pas de lui. C'est alors que, couché à plat ventre, il entendit Collard dire à Léon Roland « Il vaut mieux descendre ici. Dans le cabaret où nous allons, ce serait drôle de nous voir arriver en voiture. » Guignon les vit mettre tous deux pieds à terre, puis l'entendit renvoyer le cocher et remarqua qu'on ne le payait pas. Et tandis que le fiacre tournait et reprenait la route de Paris, en même temps que Collard et Léon se mettaient en marche vers le cabaret tenu par la veuve Philpart, le jeune ouvrier rebroussa chemin et rejoignit M. de Kergaz. « Venez, monsieur le comte, dit-il, venez, ils vont au cabaret rouge. » Armand jeta les rênes à son groom, arma ses pistoles, qu'il emportait toujours avec lui, et suivit Guignon. « Qu'est-ce que le cabaret rouge ? » demanda-t-il. « Un méchant bouchon, bien mal famé, monsieur, » répondit tout bas Guignon, qui savait son Bougival par cœur. Il est tenu par une femme qui était souvent en prison et qui vit avec un misérable saltimbanque, un forçat libéré, dit-on. Quand la police cherche quelqu'un par ici, c'est toujours là qu'elle va tout d'abord. « C'est là qu'il faut aller, nous aussi, » dit Armand. Ils arrivèrent à 30 pas du cabaret, 10 minutes environ après que Collard et Léon Roland y eurent pénétré, et là ils s'arrêtèrent. Malgré l'obscurité de la nuit, Guignon, qui avait des yeux de chat, passa une minutieuse inspection des lieux. Le cabaret, nous l'avons dit, était une misérable maison peinte en rouge et isolée sur la chaussée, loin des autres habitations, comme un maudit qu'on tient à l'écart. Sa porte principale donnait sur le chemin de halage, mais une autre petite porte le mettait en communication avec une cour entourée d'un vieux mur facile à escalader. Le premier et unique étage de la maison était peu élevé. La fenêtre du cabinet vert ouvrait sur la rivière, celle du cabinet jaune sur la cour. Sous cette dernière, par hasard, était amoncelé un énorme amas de javel et de broussailles, la provision de bois de la veuve Philpart. Armand et son conducteur se glissèrent jusqu'à la porte, étouffant le bruit de leurs pas et retenant leur haleine. La porte avait été refermée par Collard, mais à travers ses aimes à joints, le comte aperçut Léon Roland, son faux ami, la veuve Philpart, dont l'ignoble figure le frappa, et Rocambole, le vaurien, mine éveillée et cynique. Peut-être, obéissant à un premier moment de réflexion, Armand allait-il pousser cette porte et entrer, puis marcher droit à Collard, le saisir au collet et le forcer à se trahir, si un bruit de pas ne se fût fait entendre derrière eux à une faible distance. Instinctivement, Guignon et le comte quittèrent la porte et se jetèrent derrière des planches et des solives entassées devant le cabaret. Deux hommes s'avançaient et causaient à voix basse. « Pour cette fois, disait l'un, son affaire est bonne. Il ne mourra que de ma main. C'est bien assez de l'avoir raté à Belleville. » À ce mot de Belleville, M. de Kergaz, qui entendait ce colloque, devina que c'étaient là les mêmes chenapans aux mains de qui il avait déjà arraché Léon. Nicolas et le serrurier entrèrent dans le cabaret et Guignon et le comte se glissèrent de nouveau vers la porte. « Ah, Boubla !» dit la veuve Philpart, s'adressant au serrurier. « C'est pas malheureux. Il y a longtemps qu'on vous cherche. » « Collard est arrivé ici, il y a au moins 1 heure, m'a porté les ordres du bourgeois. »« Sont-ils venus ?» demanda Nicolo. « Oui, je leur ai donné le cabinet jaune. » Rocambole redescendait alors en chantant. Il échangea un regard et des signes mystérieux avec les nouveaux venus, puis il leur dit « Venez, le pigeon est en haut. » Guignon se pencha alors à l'oreille du comte. « Ils vont l'assassiner, monsieur, si nous ne nous hâtons. » Armand allait enfoncer la porte d'un coup de pied et faire éruption dans la salle, mais Guignon le retint. « Pas par là. » dit-il, et lui fit tourner la maison et lui montra la clarté qui s'échappait de la croisée du cabinet jaune. « C'est là qu'elle est où ? » dit-il. Guignon était leste et souple, il escalada le mur de la cour. Armand le suivit, et tous deux se mirent en devoir de se hisser sur le monceau de javel qui arrivait presque à la hauteur de la croisée. Mais si rapide que fût cette escalade, Léon Roland était déjà en péril. Et lorsqu'Armand se dressa contre la croisée, le malheureux ouvrier, atteint la tête par la bouteille, tombait sur ses genoux, et Collard était en train de l'étrangler pendant que Nicolo et le serrurier l'étreignaient dans leurs bras. M. de Kergaz n'eut donc pas le temps de la réflexion, il enfonça la fenêtre d'un coup de poing, ajusta Collard et fit feu. Attends, pleine poitrine, Collard tomba. En même temps, Nicoleux et le serrurier épouvantés, car ils étaient aussi lâches que féroces, abandonnèrent leur victime, dont le visage était couvert de sang, et se réfugièrent à l'autre extrémité de la pièce. Armand enjamba la croisée et son second pistolet à la main sauta dans la chambre. « L'homme de Belleville !» murmura Nicolo, qui reconnut le comte sur le champ et se précipita dans l'escalier, fermant la porte derrière lui à double tour, espérant ainsi pouvoir gagner le dehors et fuir. En bas, la veuve Fipard et Rocambole étaient fort tranquillement tablés en face l'un de l'autre, jouant au bézigue. Au moment où le coup de pistolet se fit entendre, la veuve tressaillit, mais Rocambole jeta avec calme ses cartes sur la table et dit « Le voilà flambé !» se remettant claqué comme ça à propos de bottes. Et cette oraison funèbre terminée, Rocambole reprit ses cartes en disant « Allons, maman, faites donc attention à votre jeu, je marque 40 d'atout. » Mais les pas précipités de Nicolo descendant de l'escalier 4 à 4 interrompirent le vaurien, et la veuve Fipard, encore émue, vit apparaître son illégitime époux, l'œil hagard, le visage bouleversé en lui disant « Nous sommes propres, Collard est mort, l'homme de Belleville, le comte, tu sais, je me sauve, tâche de t'en tirer. » Et Nicolo ne fit qu'un bond au dehors et disparut dans les ténèbres, laissant Rocambole et la veuve Fipard muets d'étonnement et se demandant l'un à l'autre l'explication de cette étrange scène. « Nous sommes perdus !» murmura la veuve, qui avait déjà tant de méfaits sur la conscience qu'elle ne redoutait rien tant qu'un esclandre. Mais Rocambole avait repris son sang-froid. « Aie pas peur, maman » dit-il. « Rocambole est là. Il peut bien se commettre un assassin chez toi sans que pour cela ce soit ta faute. Évanouis-toi. Ça fait bien et ça prouve l'innocence. » Et l'enfant, qui était intrépide, se mit à gravir l'escalier, criant à tue-tête « Au voleur ! À l'assassin !» Et comme la porte du cabinet jaune était fermée, il l'enfonça et se trouva en présence du comte de Kergaz. Le comte était penché sur Collard à demi-mort, et Léon Roland, qui avait retrouvé son courage et sa force à ce secours inespéré, s'était emparé du serrurier qu'il avait renversé sous lui et sur la poitrine duquel il appuyait son genou. En voyant apparaître Rocambole, Guignon, simple spectateur jusque-là, se précipita sur le jeune cabaretier. « Au voleur, à l'assassin !» répéta le jeune bandit, qui voulut fuir, et devina qu'il ne faisait pas bon pour lui en ce lieu. Mais Guignon l'atteignit, et bien qu'il fût malingre et chétif, et que le jeune vaurien fût fort et bien découplé, il l'enlaça de ses bras et de ses jambes en même temps, et le fit tomber. « Au voleur, à l'assassin !» hurla Rocambole. Mais Guignon ramassa le couteau que Léon avait laissé échapper quelques minutes auparavant et le lui appuya sur la gorge. « Si tu cries encore, si tu bouges, lui dit-il, je te tue. »« Puisque tu es brutal, on se taira, » murmura le vaurien, qui ne perdit rien de son atroce sang-froid et se tint tranquille. Pendant ce temps, et tandis que le serrurier, à demi étouffé par Léon, roulait autour de lui des yeux hagards, monsieur de Kergaz était penché sur Collard. Le lieutenant de Sir William s'était mortellement blessé, mais il avait conservé toute sa présence d'esprit. « Bien joué !» murmura-t-il en regardant Armand, avec une expression de haine et d'étrange et féroce joie. « Vous avez la partie belle, mais elle n'est pas gagnée. Le capitaine me vengera. »« Misérable !» disait Armand. « Mourras-tu donc comme un chien sans avouer tes crimes, sans t'être repenti ?»« Vous ne saurez rien !» balbutia Collard. « Au nom de Dieu qui va te juger !» supplia M. de Kergaz. « Dis-moi où est Jeanne, où est Cerise ?»« Ah ah !» ricana le moribond. « Vous voulez le savoir, monseigneur ? Eh bien, Jeanne est la maîtresse de Sir Williams. Vous ne saurez rien. » Et après avoir prononcé ce mensonge, Collard rendit un flot de sang, fit un mouvement convulsif et expira. Collard emportait son secret avec lui. Alors M. de Kergaz alla au serrurier et lui appuya son pistolet sur le front. « Dis ce que tu sais. » lui ordonna-t-il, ou je te tue. Le serrurier ne savait rien du secret. Agent subalterne dans ce grand drame conduit par le baronnet, il n'avait pas été jugé digne de recevoir la moindre confidence. Il ignorait même que 12 millions fussent l'enjeu de cette partie ténébreuse. Il balbutia, demanda grâce et finit par dire « Je ne sais rien, moi. Mais puisque Collard ne veut pas parler, le petit doit savoir quelque chose, lui. » Et le serrurier désigné Rocambole, tenu immobile sous le genou de Guignon qui le menaçait de la pointe du couteau. Rocambole entendit, et il dit avec ce sang-froid qui ne s'était pas démenti un seul instant, « Je sais tout, moi !» Armand jeta un cri. « Je sais où elles sont !» répéta Rocambole. « Parle donc alors, » lui dit Guignon, en lui appuyant son couteau sur la poitrine. « Non, » répondit-il, « tuez-moi si vous voulez. » Guignon regarda le comte, Armand l'arrêta d'un geste. « Attends, » dit-il, « peut-être se décidera-t-il à parler. » Et M. de Kergaz dit au vaurien, « Est-ce de l'argent qu'il te faut ?»« Oui, monsieur, autrement tuez-moi. La vie sans le sou est embêtante. »« Combien te faut-il ? » ?»« 10 louis d'abord. » »« Les voilà, » dit Armand jetant sa bourse à terre. « À présent, lâchez-moi. » Sur un signe du comte, Guignon laissa Rocambole se relever. L'enfant était calme et froid, comme s'il se fût agi pour lui d'une partie de bouchon. Il regarda Armand et lui dit « Collard a menti. Sir Williams a enlevé la personne que vous cherchez, mais elle n'est pas sa maîtresse. Elle ne veut pas. »« Où est-elle ? Parle donc !» demanda le comte vivement. « À 10 minutes d'ici, dans une maison où on la garde prisonnière. Je vais vous y conduire. »« Allons !» dit M. de Kergaz, bouillonnant d'impatience. « Il faut suivre la passerelle de la machine, » poursuivit Rocambole. « Suivez-moi. » Le vaurien mit dans sa poche la bourse d'Armand, fit un pas vers le seuil, puis se retourna. « Monsieur le comte, » dit-il, « j'imagine que vous serez raisonnable. Cela vaut plus de 10 louis. Si je retrouve Jeanne, tu en auras 50. »« Voilà qui est parlé, » dit-il. Armand, Guignon et Léon Roland le suivirent. Ce dernier avait lâché le serrurier en lui disant « Si jamais tu te trouves sur mon chemin, méchante canaille, je t'engage à filer droit. » Et le serrurier s'enfuit. Guignon tenait toujours Rocambole au collet. « Es-tu bête ? » lui dit l'enfant. « As-tu donc peur que je m'échappe ? Je veux gagner les 50 louis, moi. » En traversant la salle basse, ils virent la veuve Fipard qui feignait l'évanouissement, fidèle aux injonctions de Rocambole, en qui elle avait pleine confiance. « Pauvre maman, » dit-il, « elle a eu bien peur. » Et il ajouta d'un air moqueur et sentimental à la fois, « Faut que je l'embrasse. » Il se pencha sur la vieille femme, feignit de l'embrasser, et lui glissa rapidement ses mots à l'oreille. « File vite, maman, je vais leur jouer un tour. Ils ne sauront rien. » La vieille ne fit aucun mouvement et parut réellement évanouie. Rocambole passa, montrant le chemin au comte et tirant après lui Guignon qui s'obstinait à ne point le lâcher. Les deux femmes, Mademoiselle Jeanne et puis Mademoiselle Cerise, dit-il, sont dans l'île. Vous allez voir, dans la petite maison. Il s'engagea sur la passerelle de la machine et dit à Guignon, « Marchez droit, camarade. Si vous tombiez à l'eau, vous boiriez un fameux coup. »« Marche droit toi-même, » dit Guignon. « Savez-vous nager ?» demanda Rocambole. « Non, » répondit l'ouvrier. « Quelle mauvaise chance, » murmura Rocambole. En ce moment, ils atteignirent l'extrémité de la passerelle et se trouvaient hors des roues. Le vaurien fit un brusque mouvement, se dégagea de l'étreinte de Guignon, lui donna un croc en jambe et le précipita dans l'eau. « T'as réellement pas de chance de te nommer Guignon, » murmura-t-il. Et comme l'ouvrier tombait à l'eau en poussant un cri terrible, Rocambole, qui nageait comme un poisson, s'écria « Adieu, monsieur le comte, vous ne saurez pas où est Jeanne. » Et Rocambole s'élança dans la Seine, plongea plusieurs reprises et disparut dans les ténèbres qui couvraient le fleuve avant même que, stupéfait de tant d'audace, M. de Kergaz eût essayé de faire un mouvement. L'enfant avait mystifié l'homme et Rocambole, demeurant fidèle à Sir Williams, échappait à Armand qui se trouvait désormais, grâce à la nuit, dans l'impossibilité de le rejoindre. « Plus souvent, » avait murmuré le vaurien, « qu'on perdra la tête parce qu'on aura vu des couteaux et des pistolets et qu'on ira livrer les secrets du capitaine à un philanthrope. J'aime pas ces gens-là, moi. » M. de Kergaz et Léon Roland retournèrent en grande hâte au cabaret, comptant arracher à la vieille le secret si bien gardé par Rocambole. Mais la veuve Fipard avait disparu. Le cabaret était désert et ne renfermait plus que le cadavre encore chaud de Collard.